Bon, alors. Prison, école d'hiver 2020. La dimension pratique de cette école d'hiver s'est déroulée dans des sessions d'ateliers conception, concertation et construction des pièces d'écoute. Imaginer, réfléchir et faire ensemble. En voici quelques extraits saisis sur le vif tout au long de la semaine. Et comment je peux sensibiliser des plasticiens à quelque chose qui ne serait pas de la musique ou de l'illustration? Et donc ce qui était très très vite pour moi important, c'est qu'il y ait un rapport au geste. Oui, c'est-à-dire je taille le matériau comme une sculpture, je le dilue comme une aquarelle, je le performe comme je ne sais, bon, enfin, donc c'est la notion de geste qui est apparue très très vite comme capitale, mais ce n'était surtout pas le geste virtuose, c'était pas le geste interprétatif du musicien. Donc, parce que ça arrive, comme dans toutes les écoles, que les plasticiens sont aussi musiciens. Et donc je voulais bien qu'ils fassent la part des choses entre c'est un matériau et ce n'est pas du son comme dans le cadre de la musique. Donc c'est bien la différence entre c'est le son qui va générer de l'espace ou c'est notre mouvement qui va générer l'espace parce que le dispositif est fixe. La question est comment peut-on transformer la fixité du dispositif ? Donc on va travailler avec des réflexions, on va travailler avec des matériaux. Et donc la question tout à l'heure était aussi, on va construire et au fur et à mesure de la construction, on va avoir des idées de sons à diffuser parce que ces constructions, on va les soumettre à la diffusion. Identifiez un peu quels sont vos savoir-faire immédiats que vous pouvez développer dans une équipe et où vous pouvez effectivement croiser les démarches aussi. Matériel, parce qu'en fait là ça a créé un espace virtuel et quand on a les deux haut-parleurs, même les cinq, en fait ça révèle l'espace, en même temps ça l'efface parce que ça nous a tous mis ici, mais l'espace aurait pu être plus absorbant, plus diffusant, peut-être qu'on aurait été aussi. Merci. Ah, mais au sein de ce groupe là, il y en a qui vont peut-être penser la morphologie, d'autres qui vont penser des installations électroacoustiques, oui. D'autres qui vont peut-être faire de la captation, ou alors vous allez tout faire ensemble. Enfin, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on. Du coup, comme j'ai dit avant, pour moi cet espace-là, c'est une zone de torture, dans le sens où pendant les écoutes, en fait c'était, je crois que c'est toi avant Samuel qui a parlé d'attraction-répulsion, donc en fait cet endroit à la base c'était la répulsion complète, et à un moment donné je me suis dit justement une répulse, je vais y aller, et c'était pendant la stéréo justement, et c'est là où j'ai eu une douleur monstre à l'oreille gauche, mais où la solution ça a été de tourner l'oreille gauche vers le mur. Et bizarrement, en fait, je trouve que cet espace, il a l'air un peu plus confiné que l'ensemble de la pièce. Enfin, il a l'air de confiner une petite zone. Mm-hmm. Mais en fait, il fait une réverbération de malade. Voilà, on va rester poli. Très bien. Et bizarrement, contre le mur, mon oreille gauche, bah là, elle était atténuée. Donc là, je ne saisis pas encore toute la subtilité de cet espace. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de faire là-dedans. Et donc, je trouve ça super intéressant de se dire, parce que moi, ça m'a toujours intéressé, la dissociation oreille droite, oreille gauche. Et de se dire comment on peut, OSB et isolant, qualifier peut-être l'espace à droite, l'espace à gauche, et comment ça va nous conditionner pour écouter ce qu'il y a en face de nous. Ouais. Pour cet espace-là en particulier, par rapport à ce que tu disais, on pourrait tout à fait y rentrer et en ressortir selon un parcours. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, les sensations du corps, du cœur, faire un espace peut-être très confiné comme un couloir très confiné le long de la qui retrace le carré, et du coup ça changerait totalement le référentiel de l'espace ouvert passé dans un espace très très sourd, très isolant, et qui remet le référentiel par rapport au corps. C'est pour ça que tout à l'heure je me posais la question de est-ce qu'on pense pas les trois dispositifs comme justement en allant de l'un vers l'autre, parce que ça peut ça peut justement raconter une histoire avec un fil continu. On pourrait jouer avec des haut-parleurs transducteurs. Et bon, c'est flou pour l'instant, mais je me dis qu'il y a des parois creuses qui sonnent vachement bien, et ça donne envie de... Les installations sonores qui m'ont le plus touché ont été celles où, en rentrant dans une pièce, je m'attendais à entendre quelque chose, parce que les caractéristiques de la pièce étaient carrées et tout ça, et qu'en fait, l'installation dedans faisait qu'on entendait un espace complètement différent, et que d'un coup, notre perception, on disait « mais non, là, si je ferme les yeux, je me retrouve dans une cathédrale, j'ai n'importe quoi. » Mais du coup, cet aspect du mensonge, du doute, de la... comment on appelle ça, du trompe... Trompe-l'oreille. Je trouve ça très intéressant. Après, comment l'aborder, je sais pas. Moi, j'ai encore pas d'intuition sonore. Par contre, comme ça se passe dans l'air, quand même, ça m'intrigue, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de renouvellement d'air. Et du coup, je pense que depuis tout à l'heure, je rêve d'un ventilateur. Et du coup, je sais pas si ça peut avoir une répercussion sonore, mais d'essayer de... De entre les portes ouvertes et peut-être un système qui permettrait, et peut-être ça ferait circuler des sons aussi, mais... Comment on amène, en fait, comment on attire à l'extérieur une personne pour faire l'expérience à l'intérieur? Parce qu'on peut aussi convoquer le sonore par une sensation tactile. Alors... Moi, j'imaginais aussi, faire un dispositif ou créer quelque chose où il faut pas des haut-parleurs, peut-être c'est notre corps qui active quelque chose, une matière qui fait du son. Et une autre chose aussi, un dispositif peut-être qui, déjà par la forme, t'engage à avoir certaines postures corporelles, mais aussi le son, peut-être qu'il faut fouiller quelque part pour avoir un qui est son, un son qui est très bas, et du coup tu t'appuies sur le, je sais pas, comme ici dans la caisse sonore qui vient à l'extérieur, sur une matière qui est très mou, comme un grain de chamallow, ou tu parles, je sais pas. Oui, il faut se poser tout de même la question de l'ensemble des sens impliqués dans l'écoute. J'ai imaginé une sorte, un passage, on était en train de parler de passage, un passage où on peut rentrer et changer de configuration pour passer, et à chaque fois on change de configuration. À l'intérieur, on presse, on fait une pression sur la paroi pour résonner, pour avoir du son qui prend forme avec le corps. Et je me demande ce que ça ferait, par exemple, si on pouvait éprouver cet espace seul pendant un moment et pouvoir... pointer du doigt et dire l'expérience qu'on en a, quoi. Mais peut-être avec une expérience très rapide, je dis n'importe quoi, mais où à tour de rôle on peut venir juste avec c'est très beau. De quoi noter quelque chose, le mettre super à l'endroit important. Et dire j'entends cette expérience de telle manière. Oui, ouais. Ça, soit du coup c'est la partie 4, parce que là c'était peut-être des surprises dont on avait parlé tout à l'heure, avec un son, ça peut être la mer, et du coup c'est comme si on avait un balcon sur la mer. Soit on peut dire que le balcon, c'est qui reprend sa fonction d'observatoire, c'est la partie 1 qui va être le balcon justement avec les fenêtres collectives sur la pièce. La réponse à ce doute, c'est peut-être de travailler une piste sonore où on a des variations. On change l'environnement. Et peut-être que si on... Alors après, bon, faut voir la quantité de travail, mais peut-être qu'en mettant bout à bout des choses, peut-être que si j'y vais, c'est une très très longue piste sonore, et peut-être que si j'y vais le matin, j'ai pas le même environnement que si j'y vais l'après-midi. On va pas extrapoler à la semaine, etc. Mais bon, je prends plus la temporalité. Ouais. Et du coup, vous voyez, faire varier les environnements, c'est vraiment un bel sonnaire, un peu... on n'a pas tout le temps la même chose, quoi. On y va et... Rappelle-toi que vous aviez envie de créer une porosité par rapport à ça. Allez, affichez vos dessins. Ils sont magnifiques. Alors. Donc pour nous, on a travaillé en section pour imaginer en fait le changement des sections des espaces. Voilà. Du coup, on imaginait commencer par... On va le situer après parce que ce n'est pas notre préoccupation première. Du coup, on se disait de faire déjà changer le... de faire une montée, rentrer et faire que le public doit monter. Du coup, changer un peu la géographie ou géomorphologie du sol. Après, on pensait arriver dans un lieu où c'est un lieu massage, où les parois... en fait, faire que les parois se serrent, faire une espèce d'endroit où tu es forcé à toucher ton corps contre les parois. So it's like a friction material where we can have a friction and it can relax our muscles. Après, on a fait un mélange d'idées aussi. On a dessiné tout ce qu'on a réfléchi sur une section, en sachant qu'on ne va pas tout garder, parce que voilà, c'est seulement de brainstorming de groupe. Comment? Oui, et après, ça dépendra aussi. C'est ça, beaucoup de matière. Du coup, oui, on n'a finalement pas tellement de matière, donc on va s'adapter en fait avec et la matière. Et de temps, oui, bien de sûr. Matière-temps, matière-sable. Et d'autant plus qu'avec la courbe, par géométrie, ça crée des points de focale. Et justement, ce qu'on parlait. Il y a un point dans l'espace où on entend des trucs, enfin une intensité qui se crée, qu'il n'y a pas dans les autres, justement, c'est le genre de forme, enfin c'est ce que ça porte. Et ça peut être un espace carrément isolé parce qu'on va utiliser la laine à la fin, donc il n'y a plus de propagation de son. Si vous deviez faire un tri, quel est, dans ces trois compartiments, votre espace préféré? Je crois que chacun aurait un de. Oui, puis il y a aussi le côté un peu, je trouve que les trois dispositifs, il y a le côté aussi proximité des matériaux, puisque là-bas on va se rapprocher, on s'éloigne, comme tu dis, après on va un peu déshabiller l'espace et on n'est plus dans cet espace-là et on arrive dans l'autre. Mm-hmm. Et pareil avec le vôtre, il y a le côté matière qui se rapproche de nous, qu'est-ce que ça fait sur l'ambiance sonore? Sur la sensation qu'on s'est arrêté dans des problèmes techniques, peut-être on peut... Oui, bon, c'est la technique. Avant d'essayer de régler les problèmes techniques, tous les problèmes techniques, je pense qu'il faut radicaliser. Et je pense que c'est valable pour tous. Il y a un moment, il faut radicaliser les choses parce que vous n'arrivez pas à tout faire. Ah, oh, ben, je ne suis pas d'accord. Ah non, moi je dirais que elles en proposent 4, il y en aurait 6 ou 8 ou 10 ou 12. Au contraire, c'est là que ça commence à avoir une multiplicité d'effets qui va rendre l'ensemble d'autant plus perceptible. Comment? Ça veut dire que tu dis, c'est dans la complexification de la distraction qu'il va se passer quelque chose. Il me semble. Bien sûr, s'il y a des effets trop violents, non. Mais par contre, comment ça cohabite et en termes d'échelle, parce que la distraction... Pourquoi pas ne pas l'ancrer dedans et de faire d'unifier les projets, de sorte que même chez nous, peut-être pas uniquement cette partie-là, mais le corps en entier qui peut pousser pour résonner les sons. Bon, peut-être que c'est mon imaginaire, c'est pas l'autre, mais c'est un peu parce que vous parlez de tout ça, et les formes même me font penser à des petites grottes, de trucs assez... primitif. Mais primitif ne veut pas dire, c'est pas un jugement de valeur, c'est un retour à une méthode archaïque. Oui, de matérialité archaïque. Bon. On revient sur la notion de mémoire. Et puis, je me demande si vos deux groupes ne pourraient pas travailler ensemble. Une espèce de dialogue invisible entre les choses. Le dialogue invisible. Donc, invisible, ça veut dire son, infra, vibration, des choses qui mettent en communication avec d'autres éléments qu'on a l'habitude toujours de percevoir. Après, je ne sais pas comment je vais amener les gens à aller faire ce que vous pouvez faire. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai une proposition. J'ai pas d'idée. Une affordance, c'est quelque chose qui va être intuitif, qui n'est pas indiqué par signalement, on va t'asseoir là, qui est. C'est une perception directe. Une perception directe. Je vais passer entre deux objets si l'écartement entre ces objets est suffisant. Et le son, je pense, invite. Alors on appelle ça des invites. Hein. Ça a été traduit par invite. Hein. Mais c'est opportunité d'action. Ce sont des opportunités d'action. Donc on n'a que 350 de l'arrangement. Déjà là, il te reste. Il y a toujours une marche parce que quand on marche. Il te reste un 50 si tu fais un mètre de passage. Ah, ouais, un mouvement là qui fait que. Il faut qu'on arrive un peu à resserrer, tu vois, élargir, gagner un peu, pour que ce soit assez grand, pour qu'on ait envie d'y rester. Si ça paraît trop petit, en fait, du coup, ils vont juste en y passer. Peut-être que cette friction, un peu... Est-ce qu'elle a une vertu? Oui, je me demandais, est-ce que c'est un espèce de ralenti? Encore une fois, il y a une autre idée dans le mouvement, c'est que le mouvement crée de l'information. Et quand il crée de l'information... Bon, je pense que c'est important, avant de sortir, de poursuivre le mur, pour vraiment s'intégrer, pour pas que ça fasse l'objet par l'intérieur. Peut-être, effectivement, de partir, poursuivre là, et puis de repartir dans le sens. Je sais pas, après, on se déclare les installations des autres aussi. Mais totalement, c'est une ouverture de plus. parle de radicaliser, j'ai l'impression que la ce serait peut-être de continuer sur des pannes, juste en nous, exclusivement nous, en tout cas, on va se poser sur quel type de piste sonore, quel type de. Pourquoi absorbant ici, pourquoi réfléchissant là, et en ça. Moi, je pense que sur les informations, il y a une de radicalité sur ce qui compose en détail. En gros, il faut que ce soit absorbant ici, à l'entrée, à la sortie, et qu'entre les deux, il y a cet espace réverbérant avec le son qui circule. Donc là, dans tous les cas, on... Là, on va essayer de le travailler sur beaucoup plus long, et avec pratiquement le faire disparaître et pour qu'il revienne sur une beaucoup plus longue durée. Oui, et sur une boucle aussi courte ou rallonger la courbe. Là, c'est trop court. En fait, on a bouclé sur un temps très très court. On va avoir une seconde et demie. D'accord. En fait, on va pousser le vis, on va aller sur 15 ou 30 secondes et avoir beaucoup plus de nuances. Et travailler sur du plus long terme et étirer la réverb, peut-être par exemple sur 10 secondes, la faire s'éteindre sur 20 pour donner plus de corps, plus de corps et être moins sur un truc trop cyclique. But just to keep some panels left, if we want to close the side or make another detail for the balcony. Or... Bien sûr. Oui, bien sûr. Ok, donc ça veut dire qu'on a une plaque, on a deux grandes plaques, et la dernière, D'accord, donc ça je fais. Par contre, alors pour les tasseaux, prends les 5 mètres. Vous mettez la diagonale. C'est le 5 mètres, et puis il y a 2 mètres. Ah, c'est non, pas 5 mètres. Ça c'est 3 mètres. Il faut mettre une. Ah non, 5 mètres, tu vois, c'est. Allez, amène-le ici, amène-le ici. Ah, ça dépend contre le rendement. Oui, ça ça dépend s'il y a besoin d'avoir un tenir. Normalement, il n'y a pas de. Normalement, c'est 2 mètres comme ça, il. Au début, c'est-à-dire qu'on partirait de l'idée ici, quoi. Voilà. Ah oui. Voilà. Bon, après, ça fait plus de travail. Il vaut mieux partir sur le sol. Tu es à 45 degrés de côté. Non, mais on le vise par là. On revise par l'autre côté, à côté du vis qui sont sortis. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors. Non. Mais du coup, tu nous enregistres depuis tout à l'heure. Oui, mais on s'est arrêté parce que c'était juste pour le rendu intermédiaire. Ouais, ça va être un peu planté en fait. Tous nos commentaires. Moi, je sais pas.